Chapitre 1er. Bassano est une petite ville d'Italie, fort bien habitée. La grande place surtout, dont les jolis hôtels forment un cercle de balcons et de terrasses, est le séjour d'une foule de seigneurs et de belles dames, de riches banquiers et d'élégants touristes, qui composent entre eux une société très brillante, amoureuse de toutes sortes de plaisirs, mais surtout du plaisir de la musique. Or, un soir de l'été 1830 et quelques, Bassano fut mis en émoi par l'arrivée de deux personnages. Le premier était une dame d'une si grande beauté, d'un si grand équipage et d'une si grande importance, que l'apparition d'une reine au milieu de la ville n'eût pas excité plus d'empressement ni d'admiration. La signora Gioconda Monti avait 26 ans et 300 000 livres de rente. C'était la veuve la plus aimable, la plus coquette et la plus spirituelle qu'on pût voir. Les cosmopolites de ce temps-là se souviendront toujours de quel air elle trônait dans toutes les cours et dans toutes les capitales, aux eaux de Baden et de Spa, aux cercles de Naples, de Londres et de Paris. La signora est peut-être la seule femme qui ait porté pendant 10 ans le sceptre de la mode dans les 4 parties du monde. Elle ressemblait de la manière la plus frappante à la belle Joconde de Léonard de Vinci, et c'était pour cela même, assurait-on, qu'elle avait adopté le nom de Gioconda. Sa noble existence, s'il faut en croire la chronique, avait été troublée par des passions profondes et nombreuses. Mais sa passion par excellence était celle de la musique, et Paganini était son artiste de prédilection. Tant qu'il avait parcouru l'Europe, en donnant des concerts, elle l'avait suivi, pour ainsi dire, au bruit de son violon, et depuis qu'il avait cessé de se faire entendre, rien n'avait pu la consoler de ce malheur. Quelques-uns même attribuaient au chagrin de la signora sa retraite à Bassano, qui était sa ville natale. Quoi qu'il en fût, le magnifique équipage de la voyageuse s'arrêta devant le plus bel hôtel de la grande place. Un jeune homme, qui n'avait pas moins l'air d'un prince qu'elle n'avait l'air d'une reine, s'élança d'un hôtel voisin au milieu d'une troupe de valets, baisa respectueusement la main que la signora tendit par la portière, et lui donna le bras avec une sorte de triomphe, tandis qu'elle montait nonchalamment les degrés du perron de marbre. Ce fut alors que l'arrivée de la donna Gioconda se répandit dans Bassano, et qu'une sorte de procession s'établit de chaque point de la ville à son hôtel. Ce concours durait encore et animait toute la place, lorsque le second personnage fit son apparition. Celui-ci arrivait dans une modeste voiture de voyage, avec des chevaux et un postillon problématique, de sorte qu'au premier abord, il inspira plus de dédain que d'attention. Mais à peine eut-il baissé les stores et montré sa tête, que, reconnu malgré ses précautions par 1, par 10, par 100 curieux, il entendit son nom sortir de toutes les bouches avec une acclamation de joie. « Paganini, Paganini à Bassano! Quelle surprise pour la signora Monti et quelle bonne fortune pour nous tous !» Au même instant, la pâle et diabolique figure disparut dans sa cage et, ouvrant le store opposé, demanda l'hôtel garni le plus proche. Mais il n'était plus temps d'échapper à l'empressement général. Une élégante main venait de s'avancer à la portière et pressait la main décharnée du virtuose. Celui-ci reconnut en grimaçant le comte Alberto Nota, l'un de ses plus passionnés admirateurs, le même qui venait de conduire la Gioconda chez elle avec une galanterie si triomphante. Entouré aussitôt de tous les valets du comte, enlevé de sa voiture avec la plus douce violence, embrassé par les uns, félicité par les autres, admiré par tous, Paganini vit qu'il fallait renoncer à la retraite, comme à l'incognito, et il se consola en acceptant l'hospitalité du seigneur Nota. On dit qu'il se consola, car sa bourse à barre sembla y trouver son compte, à en juger par le médiocre salaire dont il gratifia son postillon. Les cris joyeux qui redoublèrent sur la place couvrirent les réclamations du pauvre diable, et d'ailleurs l'artiste n'entendait plus rien devant l'objet qui venait de frapper ses yeux. Cet objet n'était autre que la signora Monti en personne, qui battait des mains sur la terrasse de son hôtel. En rencontrant le regard de la Gioconda, celui du virtuose jeta un singulier éclair. Elle retourna 3 fois la tête, tandis que le comte Alberto l'entraînait par la main.